elle est mieux en bière, et c'est la même pour la brune. Et la ambre, elle est mieux en mise en bière, c'est sûr, elle te casse pas les burnes. Au pire, une gueule de bois, mais après deux jours dans ta turne, à porter ton manque d'amour comme un poids, tu redémarres le match à la prune. La mi-temps a été très longue, mais j'ai pu faire parler la plume. C'est clair, ça fera pas avancer le monde. De toute façon, j'ai toujours la tête dans la lune. Mais j'emmerde ceux qui prônent Mars. Moi, je préfère de loin la jubilaire. Le monde Vénus vaut pas toutes les crasses de ces connards qui jouent à la guerre. La paix, c'est pas aussi classe que le pétrole pour nos voitures. On peut dire que je suis à ma place parce que je suis un déchet dans un monde d'ordures. Mon texte part dans tous les sens, mais que dire à part que j'aime la bière et la paix. Mon texte parcourra pas ta France, mais plutôt la France des tarés. On dit que de carton font une expulsion, nos dirigeants devraient être exclus depuis longtemps. Avec les potes, le jaune et le rouge, on préfère en canon, tout ça en passant du bon temps. Le canon de la boisson vaut tous les canons de la baston, le liquide qui coule c'est pas du sang. Et qu'on ne sort pas, c'est dans la nature de l'homme d'être un sale con, y'a pas un gène qui fait bombarder les enfants. Et si tu me dis quand même ça, je te pisse sur les grolles. Bah ouais, toi t'es con et moi j'ai siroté. J'ai un train d'avance sur les cagoles et je te renvoie au CP. Mais je respecte ta liberté d'expression. Et puis salir des choux, c'est pas la panacée. Vive la paix, l'amour et la baston. J'écoute du 12 et je tombe dans les bras de Morphée.